bord de l'Hispaniola, l'atmosphère devient de plus en plus lourde. Les six hommes de Long John Silver surveillent les moindres gestes du capitaine Smollett. Inquiet de ne pas voir Jim revenir, le docteur Livesey s'adresse à un matelot fidèle. Détachez un canot, nous allons faire un tour sur cette île et tenter de retrouver mon jeune ami. Avant d'embarquer, le docteur jette un œil sur la carte afin de bien repérer le fort que Flint avait construit du temps de son expédition. Après quelques détours, les deux hommes trouvent enfin la cabane en bois. Fantastique ! Une source d'eau douce coule à l'intérieur. Tout excité, le docteur chuchote au matelot. Vous vous rendez compte, mon ami ? Cette eau est notre providence. Il faut absolument organiser notre camp ici si nous ne voulons pas mourir de soif à bord. Retournons vite au bateau chercher le reste de la troupe et faisons le plein de provisions. À la barbe des bandits censés surveiller le navire, des kilos de lard et une grande quantité de fusils sont discrètement embarqués. Mais au moment où le frêle équipage approche de l'île, un boulet de canon transperce le canot, emportant une partie des provisions et des munitions au fond de l'eau. L'équipage, lui, l'a échappé belle. Il n'y a pas un blessé. Alerté par le bruit, Silver et sa bande se lancent immédiatement à leur poursuite. Leurs balles sifflent dans tous les sens et à quelques mètres du fort, un matelot s'écroule, touché en plein cœur. Le capitaine s'écrie alors « Chargez tous vos fusils et tirez !» Dans un accord parfait, les amis de Smollett visent l'ennemi. Un des bandits s'effondre, tandis que les autres s'enfuient avec une partie des provisions. Le calme revenu dans la cabane de bois, le capitaine sort son journal de bord. Il le griffonne nerveusement quand une voix lointaine l'appelle. La reconnaissant tout de suite, le docteur bondit à la porte et s'exclame. C'est Jim ! Il dévale la colline ! En quelques foulées, Jim arrive au fort et est accueilli à bras ouverts. Heureux d'avoir retrouvé son mousse, le capitaine sort un peu d'eau de vie. À ta santé, petit ! D'un seul trait, Jim raconte l'incroyable histoire de Ben Gunn, mais soucieux, le capitaine l'interrompt. Nos provisions sont bien trop maigres. Nous ne pourrons tenir très longtemps. Notre meilleur espoir est de tuer un bon nombre de bandits pour les forcer à baisser pavillon. Le docteur Livesey, lui, s'en fait un peu moins. Ne vous inquiétez pas outre mesure, Smollett. Écoutez chanter ces vauriens. Ils sont ivres du matin au soir et à ce rythme, ils seront vite sur le flanc. Rassuré par ces bonnes paroles, Jim s'endort comme une souche. Le lendemain matin, il est réveillé par un cri. Long John Silver en personne agite un linge blanc à la palissade du fort. J'aimerais parler au capitaine Smollett. Armé d'un pistolet et l'œil méfiant, le capitaine sort de la cabane et s'entretient avec le chef des pirates. Que voulez-vous ? Je suis venu pour trouver un accord avec vous. Puis-je entrer sans craindre pour ma vie ? S'il y a traîtrise, ce sera de votre côté. Et nous n'hésiterons pas à tirer. Satisfait, Silver enjambe la palissade avec une adresse étonnante et propose au capitaine. Tout ce que nous voulons, c'est le trésor. Donnez-nous la carte et vous aurez la vie sauve. Une fois le trésor embarqué, vous aurez le choix entre venir avec nous et je vous promets de vous déposer où vous voudrez à terre ou bien rester ici et nous vous donnerons la moitié de nos provisions. Dans ce cas-là, je m'engage à prévenir le premier bateau que je rencontrerai pour qu'il vienne vous chercher. Le capitaine se lève, tire une bouffée de sa pipe et répond. Écoutez-moi bien. Si vous venez ici, un par un et sans armes, je m'engage à vous mettre tous au fer et à vous ramener en Angleterre pour y être jugé. Sinon, je vous envoie tous au diable. Vous ne pouvez pas trouver le trésor et pas un parmi vous n'est capable de manœuvrer le navire. Enfin, sachez que si je vous revois, je vous mettrai une balle dans le dos. Maintenant, débarrassez-nous le plancher. Long John Silver écume de rage et précise en rebroussant chemin. Avant une heure, je vous aurais tous fait flamber comme un punch au rhum. Smollett prend ses menaces très au sérieux. Avec méthode et sang-froid, il prépare ses amis à l'attaque. Éteignez le feu, entassez le bois pour en faire des tables et mettez-y tous vos fusils et munitions. N'oubliez pas non plus les couteaux. Puis, après avoir fait un rapide plan de bataille dans sa tête, il distribue les rôles à chacun. Docteur, vous occuperez la porte. Hunter, prenez le côté est. Joyce, restez à l'ouest. Vous, chevalier, vous êtes le meilleur tireur. Vous couvrirez le nord avec Gray. Quant à Jim et moi, nous rechargerons vos fusils. Il était temps. Les assaillants surgissent déjà du haut de la palissade. La bataille fait rage. Deux bandits sont tués. Hunter et Joyce tombent à leur tour et le capitaine Smollett est gravement blessé. Ivre de colère, le docteur et le chevalier font feu sur tous les autres agresseurs, mais neuf d'entre eux réussissent à s'enfuir. Le combat terminé, le docteur soigne immédiatement le capitaine. Vous guérirez, mais à condition de rester des semaines sans marcher, sans remuer le bras et surtout, sans vous fatiguer en parlant. Malgré ses douleurs, le capitaine esquisse un sourire et soupire. Nous sommes 5 contre 9 à présent. Nos chances augmentent. Après le repas et une brève réunion, le docteur Livesey met la carte de l'île dans sa poche, s'arme d'un pistolet et d'un couteau, puis saisit un bon morceau de fromage. Bien, je vais rendre visite à ce fameux Ben Gunn. Jim, lui aussi, n'a qu'une envie, quitter ce fort qui sent le cadavre. Sans rien dire à personne, il prend à son tour des armes et s'enfonce dans la nuit. Pendant qu'il marche, une idée lui vient en tête. Il va emprunter le canot que Ben Gunn avait construit et couper les amarres de l'Hispaniola. Ça empêchera les pirates de regagner le bateau pour prendre le large. Après quelques détours, Jim finit par trouver l'endroit où le vieux avait caché son embarcation. C'est une grossière carcasse de bois avec un long bâton en guise de pagaie. Jim parvient néanmoins à ramer jusqu'à l'Hispaniola. Il est en train de couper les cordes quand il entend les voix des deux gardes s'élever d'une cabine. Ils sont ivres morts et se battent à coups de bouteille. Après une lutte acharnée, l'un d'eux se tue en tombant sur des débris de verre et l'autre tombe à l'eau, laissant enfin Jim seul à bord. Sans perdre une minute, il conduit le navire vers la baie nord, à l'abri de tout regard. Quand il regagne le fort, il se met à sourire en pensant à la tête que feront ses amis le lendemain matin, en le voyant encore endormi. Il fait si noir à l'intérieur de la cabane que Jim heurte la jambe d'un dormeur. Tout à coup, un cri strident éclate. Pièce de 8 ! Pièce de 8 ! Pièce de 8 ! Catastrophe ! C'est le perroquet de Silver. Aussitôt, la voix de son maître retentit. Qui va là ? Jim tente de s'enfuir, mais un pirate le plaque vite contre lui, puis allume une torche. La cabane aussitôt éclairée, le jeune Mousse s'aperçoit que ses amis ont disparu et que les bandits se sont emparés du fort. Le sourire au coin des lèvres, Long John Silver déclare. Jim Hawkins, venu en visite, hein? C'est gentil. Je t'ai toujours apprécié. T'es intelligent. Et tu me rappelles ma jeunesse, quand j'étais fort et beau. Le pirate s'assoit sur un tonneau d'eau de vie, puis continue son explication. Le capitaine Smollett et ses amis sont furieux que tu les aies abandonnés. Ils ne veulent plus de toi. Je te propose donc de te joindre à moi. Soulagé d'entendre que ses amis sont toujours en vie, Jim demande d'un ton sec. J'ai le droit de savoir ce que vous faites ici et où sont mes amis. Sans sourciller, Long John Silver poursuit son discours. Hier matin, le docteur est venu me voir avec un linge blanc. C'était signe qu'il voulait me parler. Il m'a dit ceci. Capitaine Silver, vous êtes trahi par certains de vos hommes. Le navire est parti. Nous avions sans doute pris un verre de trop et manqué de vigilance. Bref, nous regardons la mer. Plus d'Hispaniola. Tu imagines notre stupeur. Le docteur et moi, nous concluons alors un marché. Ils nous laissaient leur place ici contre leur liberté. C'est pourquoi on s'est installé avec nos provisions. Quant à eux, ils ont décampé je ne sais où. Retrouvant une belle assurance, Jim lui répond. Avant de décider ce que vous allez faire de moi, il faut que vous sachiez plusieurs choses. Vous êtes en mauvaise posture. Bateau perdu, trésor perdu, homme perdu. Tous vos projets ont échoué et c'est moi qui en suis la cause. J'étais en effet dans le tonneau aux pommes la nuit de votre conspiration sur l'Hispaniola. Et bien sûr, j'ai tout répété à mes compagnons. Quant à la goélette, c'est moi qui l'ai emmenée là où aucun de vous ne la retrouvera. Vous pouvez me tuer maintenant ou m'épargner, comme il vous plaira. Mais si vous me laissez vivant, quand vous comparaîtrez devant la justice, je vous aiderai autant que je le pourrai. Constatant la bonne entente entre Jim et Long John Silver, les bandits se méfient de plus en plus. Ils s'avancent pour attaquer le jeune Mousse quand leur chef les interrompt. Qui est le capitaine ici? Quelqu'un désire se frotter à moi? J'aime ce garçon, et je ne vous conseille pas de lever la main sur lui. Le plus courageux des matelots s'approche alors de Long John Silver et lui explique. Premièrement, tu nous as menés à l'échec dans cette aventure. Deuxièmement, tu as laissé nos ennemis sortir de ce piège sans aucune raison. Troisièmement, tu nous as empêchés d'aller leur régler leur compte. Et quatrièmement, il y a ce Jim. Sûr de lui et peu décidé à se laisser marcher sur les pieds, Long John Silver s'adresse à ses hommes. Bien, maintenant écoutez-moi tous. Premièrement, vous savez parfaitement que si vous m'aviez écouté, nous serions sur le chemin du retour, bien portant et avec le trésor. Mais non, vous étiez pressé et vous avez tout gâché. Pour la réponse 4, Jim Hawkins est notre otage, que je sache. Le numéro 3 maintenant, n'êtes-vous pas content d'avoir un docteur diplômé qui vient chaque jour soigner vos blessures? Quant au numéro 2, vous voulez savoir pourquoi j'ai conclu un marché avec l'ennemi? Eh bien regardez! D'un geste vif, Long John Silver jette par terre la carte indiquant l'endroit où est enterré le trésor. Sautant comme des chats sur une souris, ses complices l'examinent tandis que leur chef lance d'une voix sombre. C'est le docteur qui me l'a donné lors de notre accord. Maintenant que vous avez ce que vous voulez, choisissez un autre capitaine, car moi, j'en ai assez. Le lendemain matin, comme tous les jours, le docteur Livesey vient au fort soigner les pirates. Mais à la vue de Jim, il s'arrête net. Après quelques minutes, il demande à Silver l'autorisation de parler à l'écart aux jeunes mousses. Pas très à l'aise, Jim écoute les reproches du docteur. Jim, je n'ai pas le courage de vous gronder, mais je vous fais remarquer que vous n'auriez jamais osé partir si le capitaine avait été bien portant. Vous vous êtes conduit comme un lâche. Ceci étant dit, je ne supporterai pas que ces pirates vous fassent du mal. Sautez par-dessus la palissade et enfuyons-nous. Non, docteur, j'ai donné ma parole à Silver, mais je vais vous dire où j'ai caché le navire. Le navire, dites-vous? Devant l'air ébahi du docteur, Jim explique tous les exploits qu'il a accomplis. Admiratif, le docteur lance d'un air attendri. C'est toujours vous qui nous sauvez la vie. Pensez-vous que nous allons vous laisser perdre la vôtre? Et ce Ben Gunn que vous avez trouvé, quel phénomène! Leur confidence achevée, le docteur appelle John Silver et lui recommande « Ne vous hâtez pas de trouver le trésor. » Étonné, le pirate lui demande « Je n'ai pas le choix. Mes hommes sont trop impatients et s'inquiètent de mes rapports avec Jim. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'avez donné la carte. » « Je ne peux hélas vous en dire plus, mais soyez sur vos gardes quand vous trouverez le trésor. Et surtout, gardez Jim près de vous. Si vous avez besoin de secours, appelez. Et si nous sortons tous les deux vivants de ce piège, je ferai de mon mieux pour votre défense. » Le nez plongé dans la carte, Silver indique le chemin du trésor, mais au bout de quelques kilomètres, une voix aiguë et chevrotante se met à chanter. « Nous étions 15 au matelot sur le coffre du bord, et une bouteille de rhum !» Effrayés, les pirates s'écrient « Flint ! C'est Flint ! C'est sa voix, je la reconnais ! C'est son fantôme !» Long John Silver n'emmène pas large lui non plus, mais tente de le cacher. « Ne vous faites pas de billes, les gars. Je n'ai jamais eu peur de Flint quand il était vivant, et à l'heure qu'il est, c'est juste un tas d'os. Mais je connais cette voix. Mille tonnerres, c'est celle de Ben Gunn, j'en suis sûr. » Rassurés, les pirates reprennent la route. Mais arrivés à une dizaine de mètres de l'endroit indiqué, ils s'arrêtent net. Un grand trou a déjà été fait, et un manche de pioche traîne à côté de caisses vides. C'est clair, le trésor a été trouvé par quelqu'un d'autre. Profitant de la surprise de ses hommes, Silver passe vite un pistolet à Jim et lui dit « Prends ça et défends-toi !» Puis il va tranquillement de l'autre côté du trou et lance à ses hommes d'un air méprisant. « Continuez à fouiller, les gars. Vous trouverez certainement des truffes pour les cochons. » Les pirates ont assez de se faire insulter et n'ont plus confiance en leur chef. L'un d'eux crie à ses camarades « Silver a tout manigancé! Regardez! Ils sont deux! L'un est un vieil estropié qui nous a trompés et l'autre un sale gamin! Attaquons-les !» Les pirates s'apprêtent à tirer quand trois coups de fusil partent d'un fourré. Deux pirates s'affaissent sous le feu tandis que trois autres réussissent à s'enfuir. Aussitôt, tous les amis de Jim sortent de leur cachette, Ben Gunn en tête. Très ému de retrouver son vieux compagnon, Silver le remercie de tout ce qu'il a fait. Quant à Jim, lui, il saute au cou de tout le monde. Sur le chemin du retour, Ben Gunn fait un bref résumé de ce qui s'est passé réellement. Dans mes longues promenades solitaires à travers l'île, j'ai fini par trouver le trésor. Mais les richesses étaient telles que j'ai dû faire d'innombrables allées et venues pour tout entreposer dans ma grotte. Et voilà. L'œil malicieux, et tout en mâchonnant son tuyau de pipe, le docteur ajoute. Ce que Ben oublie de vous dire, c'est qu'il a aussi rempli sa caverne de délicieuses viandes de chèvre salée et qu'il y en avait assez pour tout un régiment. C'est pourquoi, lorsque nous avons constaté la disparition du navire, on a cédé le fort, les provisions et la carte sans le moindre regret. On était beaucoup mieux chez lui à veiller sur le trésor. Parvenu à la grotte de Ben Gunn, Jim a les yeux qui brillent. Des pièces du monde entier sont empilées les unes sur les autres. Des rondes, des carrés et d'autres avec un trou au milieu. Il y en a tellement qu'il faut plusieurs jours pour les transporter à bord de l'Hispaniola. Mais pendant toutes ces opérations, Long John Silver est sous haute surveillance. Soudain, une émotion envahit la grotte quand le capitaine Smollett annonce « Messieurs, l'Angleterre nous attend. En route !» Malgré un équipage réduit, l'Hispaniola quitte l'île en souplesse et glisse vers le premier port. Pendant que le capitaine Smollett engage de nouveaux matelots, Long John Silver en profite pour s'enfuir avec un sac de pièces. Mais personne à bord ne s'en plaint, bien au contraire. Un peu plus tard, le capitaine Smollett réunit tous ses amis dans sa cabine et leur déclare joyeusement « Messieurs, avant de nous quitter, c'est l'heure de nous partager équitablement le trésor. » Voyons, commençons par les pièces rondes. Le pied à peine posé sur le sol anglais, Jim n'a qu'une idée en tête, filer à l'auberge retrouver sa mère et lui raconter l'aventure fantastique qu'il vient de vivre. Les retrouvailles sont chaleureuses. Mais ce soir-là, en s'endormant, Jim croit entendre une voix venant du large lui crier «